Le rêve. Ouais. L'intervention des voyageurs de l'astral dans le rêve peut être bénéfique, ouais, pour le rêveur. Mais il y a des dangers d'intervenir dans les rêves d'autrui parce que nous pouvons être pris dans le même tourbillon et subir le même genre de possession. Ouais. Parce que le rêve est toujours une forme de possession. Ouais. Étant donné que l'individu qui rêve est inconscient, l'expérience de l'astral pendant le rêve contrôle sa conscience. Ouais. Pour revenir à intervenir efficacement dans le rêve, il faut être capable de faire certains voyages astraux d'une façon consciente. Ouais. Ouais. Ouais. Nous ne devons pas intervenir dans les rêves d'autrui dans le but de manipuler leur conscience, changer leur façon de voir les choses, changer leur façon de penser. Non, jamais. Ouais. Parce qu'alors, les conséquences de cet acte jailliraient dans votre conscience, à votre insu, plus tard. Ouais. C'est là le karma. On ne doit pas, par le rêve, par le voyage astral, manipuler autrui. Certaines personnes font des cauchemars. Le cauchemar est un rêve sur un étage où l'émotivité est extrêmement négative. Ouais. Et le cauchemar est un voyage dans lequel l'extra-conscientisation est à un pourcentage assez élevé. Ouais. Pour intervenir dans le rêve, on doit avoir de bonnes raisons, comme libérer quelqu'un d'un cauchemar. Ouais. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, on doit avoir son approbation. Ouais. Parce que intervenir dans le rêve est beaucoup plus puissant que l'hypnose. Ouais. Beaucoup plus puissant, ouais, que l'hypnose. Alors, pour intervenir dans le rêve, nous devons nous entendre au préalable avec le rêveur. Ouais. Lorsque celui-ci va dormir, nous allons, nous aussi, nous coucher. Ouais. C'est préférable d'avoir une photo du rêveur. Ouais. On peut aussi dormir dans la même pièce. Ouais. La photo servira comme aide pour visualiser la personne. Ouais. Nous devons aussi connaître suffisamment la pièce dans laquelle la personne va dormir. Ouais. De façon à pouvoir non pas visualiser notre chambre, mais visualiser la sienne lors de la sortie. Ouais. Visualiser sa chambre. Ouais. Et lorsque nous saurons que l'autre dort, eh bien, nous pourrons sortir en astral dans sa chambre, ouais. Et de là, nous pourrons le visualiser lui. Et quelque temps après, nous serons derrière lui, dans le chemin de son rêve, dans le tourbillon de sa conscience astrale. Oui. Il nous faut rester conscient. Il nous faut se laisser se guider, être guidé par le tourbillon de son rêve. Nous ne devons pas intervenir, pas pour l'instant. Et nous devons attendre jusqu'à ce que le cauchemar apparaisse, s'il apparaît. Oui. Pour cela, évidemment, nous aurons discuté de ce cauchemar de façon à être capable de le reconnaître dans l'astral. Oui. Oui. Il peut prendre plusieurs sorties avant que le rêveur refasse le même cauchemar. Il peut prendre aussi plusieurs sorties avant que vous parveniez à assister pour ensuite participer au cauchemar. Ouais. Ouais. Ouais. Si le rêveur est initié au voyage astral, alors, vous devrez partir avec lui dans l'astral, comme nous le verrons sur l'autre côté de l'enregistrement. Oui. En attendant, lorsque vous rejoignez le cauchemar de l'autre, tout ce que vous devez faire, ce n'est pas de parler à l'autre, non. C'est de transformer le cauchemar, oui. De jouer avec l'astral. Oui. Jouer avec l'astral. Détruire ce qui agresse. Changer la valeur émotive de la perception. Oui. Rajouter des belles choses dans le cauchemar. Et contrôler la beauté de celle-ci de façon à ce qu'inconsciemment, le rêveur ne redéforme pas tout. Et de façon à ce que l'astral ne puisse jouer avec vos créations. Oui. Oui. Le rêve est un voyage astral qui est fait inconsciemment par le rêveur et qui le conduit n'importe où dans la sphère astrale. Oui. Le cauchemar est une projection directe dans les paliers émotifs bas et quelquefois dans les paliers qui ont mémorisé les événements violents, laids, destructeurs, négatifs, oui, évolués. Ouais. Il y a un danger dans l'intervention face au cauchemar d'un rêveur. Oui. C'est de vous approprier son cauchemar. Oui. Chaque fois qu'un être humain intervient dans la vie d'un autre, que ce soit en le guérissant par le magnétisme, que ce soit en l'aidant par la parole, oui, ou en intervenant dans le rêve, il se soumet à la possibilité de vivre l'onde de choc de retour. Oui. Trop de guérisseurs sont morts des maladies de ceux qu'ils avaient guéris. Oui. Trop de psychologues, psychanalystes, psychiatres, oui, souffrent des maladies de leurs patients. Oui. Intervenir dans le cauchemar d'un autre, c'est aussi risqué de s'approprier son cauchemar et d'être pris avec par la suite. Sauf si vous avez bien écouté les enregistrements précédents et que vous êtes devenu un voyageur de l'astral sans orgueil, sans peur, sans intellect pendant le voyage. Vous pouvez avoir de l'intellect après. Pas pendant le voyage astral. Le cauchemar est une chose, mais il existe une autre forme de possession astrale par le rêve. Oui, oui. C'est lorsqu'un individu est convaincu que dans son rêve, il rencontre un maître, il rencontre un avatar, il rencontre un guide de lumière, il rencontre un ange, il rencontre Dieu. Ouais. Trop de consciences humaines sont manipulées par ce genre de rencontres. Les personnes peuvent, le même pas, être conscientes de leurs rêves. Mais ils restent assujettis à des égrégores astraux, à des concepts du maître, du guide, de Dieu, à de la mémoire. Et dans leur état d'éveil, ils se sentent coupables. Ils ont l'impression peut-être que ça leur parle encore. Certains en sont conscients pendant le rêve, d'autres non. Ils s'assujettissent facilement à des sectes, ouais. À des formes d'évolution qui ne sont pas évoluantes, mais qui sont plaisantes et stagnantes, ouais. Lorsqu'un individu veut se libérer de l'attachement qu'il a en face d'un concept, d'une mémoire d'évolution, aussi belle soit-elle. Mais je précise bien, lorsqu'un individu veut s'en libérer, et non pas lorsque vous voudrez qu'il s'en libère. Alors, l'intervention dans le rêve est aussi une bonne solution. La technique pour le rejoindre est la même. Ouais. L'individu doit vous parler de son guide, de son maître, de son Dieu. Oui. Oui. Par la suite, lorsqu'il dort, vous pouvez vous-même la rejoindre en visualisant sa chambre, en désirant être avec elle dans son rêve. Oui. Et progressivement, vous rejoindrez son maître. Oui. Maintenant, oui, maintenant, une chose. Dans le monde astral, il n'y a pas d'intentionnalité réelle, bien qu'il y ait une mécanique permettant l'action. Les maîtres, ainsi que les cauchemars, ne voudront pas vous voir, vous mêler d'eux-mêmes. Cela veut dire que l'individu se fera instruire par son guide, par son maître, par son Dieu, que vous êtes un danger, que vous êtes une personne qu'elle ne doit plus côtoyer. Ouais. Et lorsque vous voudrez pénétrer son rêve, rencontrer son guide. Oui. Celui-ci ne sera peut-être pas là. Ce n'est pas un échec de votre part. C'est déjà un peu la réussite. Oui. Et si cet avatar, ce maître, ce guide, ce Dieu est là, alors, attention, ne vous faites pas prendre. Dans l'astral, vous ne rencontrez que de la mémoire. aussi belle soit-elle, ce n'est que de la mémoire. De la mémoire de maître. De la mémoire de Dieu, ouais. Pas de la réalité, mais de la mémoire de réalité. Alors, il ne faudra pas tomber dans le rêve spirituel de l'autre. Ouais. Ouais. Grand danger il y a. Ouais. Lorsque vous aurez rejoint ce maître ou ce Dieu, alors posez la question embarrassante. Qui êtes-vous vraiment? Lorsque ça répond, ne croyez rien. Poursuivez. Je ne crois pas que vous dites la vérité. Qui êtes-vous vraiment? Et par la suite, vous procédez au contrôle de l'astral en essayant de rendre laid le maître. Sachez que le maître peut vous emporter dans un tourbillon descendant. Et quand j'ai dit le maître, évidemment, je parle de la mémoire. Dans un tourbillon descendant qui peut vous amener à un point émotif cauchemardesque. Vous ne devez donc pas avoir peur. Vous devez, avant l'intervention dans le rêve, je le répète, être devenu un bon voyageur de l'astral. Une bonne voyageuse de l'astral. Oui. Oui. Et quand vous serez dans le tourbillon de ce maître, jouez avec l'astral. Car vous devez être le maître de ce maître, l'avatar de cet avatar, le guide de lumière de ce guide de lumière, le Dieu de ce Dieu. Oui. Important il est de comprendre cela. Oui. Oui. Cette leçon est courte parce que elle ne nécessite pas des longues explications. Vous avez appris. Vous avez voyagé. Le temps est venu pour vous. Oui. De voyager seul. Lorsque vous rejoindrez le rêve d'un autre, vous serez seul en face de ce rêve, cauchemar, au rêve spirituel. Vous ne devez pas, pour le plaisir, tenter d'intervenir dans le rêve d'autrui pour leur prouver que vous voyagez dans l'astral ou encore pour les amener dans les régions astrales qui vous ont plu. Sachez que si vous intervenez dans le rêve de quelqu'un pour l'amener dans une région astrale qui vous a plu, vous forcez la conscientisation de son rêve et la personne peut rester prise dans la région astrale où vous l'aurez amenée. Elle n'a pas toute l'information que vous avez. Elle ne sait pas qu'on ne doit rester nulle part dans l'astral, car c'est de la mémoire de réalité. Elle ne sait pas que l'on ne doit jamais faire confiance au monde astral. Elle ne sait pas qu'à un moment donné, elle pourra s'illusionner de ne plus être dans l'astral, mais d'être réellement au paradis. Alors, qu'elle se fera simplement charrier par de la mémoire. Oui. Oui. L'intervention dans le rêve est comme le travail d'un chirurgien. Il n'opère pas pour rien. Il n'opère pas pour s'amuser. Il n'opère pas pour rien. On ne doit pas intervenir dans le rêve d'autrui pour la distraction. Un voyageur de l'astral ne recherche pas cela. Ouais. Ouais. Maintenant, je vous laisse quelques informations. À vous. À vous. De savoir comment vous en servir. Oui. Oui. Pour les parents, il est possible de construire dans l'astral, comme le faisaient les initiés du passé, une région particulière. Disons, un parc d'attractions. Pour que vos enfants puissent aller rêver en paix. Oui. Cela se fait. Oui. Il est possible, dans l'astral, de construire une pièce. Une pièce où certaines personnes de votre entourage, en voyage collectif, en voyage individuel, pourront se réunir pour parler d'évolution, par exemple. Oui. Il est possible, dans l'astral, de construire autour de sa demeure une palissade contre les manipulations astrales. Oui. Brique astrale par brique astrale. Oui, cela se fait. Oui. Il est possible aussi d'intervenir dans le rêve éveillé d'une personne qui est d'accord. Une personne qui a peur des ascenseurs, exemple. Alors, lorsqu'elle est près d'un ascenseur, nous partons dans l'astral. Nous arrivons autour d'elle et nous voyons facilement dans l'astral les entités qui la manipulent. Alors, nous jouons avec l'astral. Nous éloignons ou détruisons les entités. Oui. Mais lorsque vous serez rendu à cela, ne détruisez pas inutilement dans le monde astral. Non. Cela stresse le monde astral. Et cela équivaut à une pollution. Cela nuit. Très peu. Mais cela nuit quand même. À l'atmosphère de l'astral. Oui. Quand vous en serez à ce niveau, parlez à ces entités. Menacez-les. Oui. S'il faut détruire, détruisant une, les autres s'en iront. Car il faut comprendre que tout ce qui est dans le monde astral connaît le même processus émotif que ce qu'il y a chez vous. L'astral connaît la peur. L'astral connaît la honte. L'astral connaît la culpabilité. L'astral connaît la reconnaissance, la jouissance, même l'amour. C'est de la mémoire. Mais les émotions ont été mémorisées. L'astral connaît la vengeance. Plus vous aurez d'autorité dans l'astral, plus l'astral vous respectera comme voyageur. Ouais. Ouais. Ouais. N'oubliez pas, le voyage astral n'est pas un jeu. C'est une façon d'augmenter son temps de conscience pendant la vie du corps physique. Oui. Ainsi il en est. Par la vie de l'homme. Oui. On ne doit faire confiance à rien dans l'astral. Oui. Moins orgueilleux vous serez. Et plus aisément vous voyagerez. Oui. Il y a un karma. On doit faire attention à ne pas intervenir dans les rêves. Inconscient, conscient ou éveillé des autres. Oui. Prochainement, voyage astral en groupe. Vous pouvez passer directement à l'écoute de cet enregistrement, même si vous n'avez pas l'intention d'intervenir dans le rêve. Oui.